Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, mes frères saints, qui êtes participants de la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi était fidèle en toute sa maison. Or Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison, est d'une plus grande dignité que la maison même. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, or, celui qui a bâti toutes ces choses, c'est Dieu. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être dites. Mais Christ comme Fils est sur sa maison, et nous sommes sa maison, pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance, et la gloire de l'espérance. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva dans le lieu de l'irritation, au jour de la tentation au désert, où vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé, et où ils ont vu mes œuvres durant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été ennuyé de cette génération, et j'ai dit, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont point connu mes voies. Aussi j'ai juré en ma colère, si jamais ils entrent en mon repos. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, pour abandonner le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été faits participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin le commencement de notre confiance. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva dans le lieu de l'irritation. Car quelques-uns l'ayant entendu, le provoquèrent à la colère, mais ce ne furent pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte par Moïse. Mais desquels fut-il ennuyé durant 40 ans? Ne fût-ce pas de ceux qui péchèrent, et dont les corps tombèrent dans le désert? Et auxquels jura-t-il qu'il n'entrerait point en son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Ainsi nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de leur incrédulité.